Bonjour, et on va dans le tout petit aujourd'hui. There's plenty of room at the bottom, prophétisait le physicien Richard Feynman à la toute fin des années 50. Il y a plein de place en bas, tout en bas, dans l'infiniment petit à l'échelle nanométrique, soit un milliardième de mètre, et notamment dans le domaine médical. La nanomédecine, rendue possible par les progrès technologiques, promet depuis le début de ce nouveau siècle des traitements ciblés, personnalisés, notamment en cancérologie, qui vont livrer le médicament directement au cœur de la cellule concernée. Mais malgré ces promesses, bientôt 20 ans après ses débuts, le miracle médical prophétisé n'est pas encore advenu. Nanomédecine, un médecin dans ma cellule, c'est le programme que nous allons développer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans cette aventure intérieure ou dans ce voyage fantastique, hein, tout dépend si vous préférez le film de Richard Fleischer ou celui de Joe Dante, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Minier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Descartes et présidente de la Société française de nanomédecine. Bonjour Patrick Couvreur. Bonjour. Vous êtes professeur de pharmacotechnie et de biopharmacie à l'Université Paris-Sud, responsable de l'équipe nanomédicaments pour le traitement des maladies graves. Comme chaque jour, vous êtes le bienvenu sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors si on se replonge dans les annonces faites au début des années 2000, notamment après les premiers essais thérapeutiques de 2004, on pouvait y lire noir sur blanc, en 2015 ce sera la fin du cancer, ni plus ni moins. Nous sommes aujourd'hui en 2018 et outre les annonces triomphalistes, effectivement la nanomédecine ne s'est pas tout à fait développé au rythme auquel on l'imaginait il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé, Nathalie Minier? Alors, le miracle, comme vous dites, est pourtant en cours. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça un miracle ni une prophétie. On va dire que la recherche avance et que, pas seulement la recherche, mais de nombreuses sociétés, à ce jour, sont intéressées par ce domaine, ce qui est quand même une très grande avancée. Effectivement, peu de médicaments sont sur le marché, si c'est ce que vous voulez dire. Entre autres. En clinique pour le moment, mais il s'avère que de très nouvelles approches ont vu le jour et que je pense qu'on va pouvoir les décrire tout à l'heure. Ça me paraît extrêmement intéressant sur le potentiel dans le futur. Bien entendu. Mais Patrick Couvreur, effectivement, quand on a commencé à faire de la nanomédecine, les premiers traitements contre le cancer, effectivement, moi, ce que je vous lis là et ce dont je témoigne, c'est l'enthousiasme ou l'emballement, peut-être peut-on dire, en tout cas de la presse à cette époque, pour ces nouvelles technologies médicales. C'est clair qu'il y a eu un emballement peut-être de la presse, mais dans tous les cas, moi qui étais interviewé certainement déjà à l'époque, je n'ai jamais dit qu'il y avait un miracle dans le développement des nanomédicaments. Bon, les nanomédicaments, si vous voulez, obéissent finalement aux mêmes règles cinétiques, si je puis m'exprimer ainsi, que tout médicament. Alors vous savez qu'avant de mettre un médicament sur le marché, vous devez faire toute une série d'études qui sont à la fois analytiques, toxicologiques, pharmacologiques, qui prennent extrêmement de temps. Le développement de nouveaux médicaments est de plus en plus encadré et évidemment les nanomédicaments obéissent à la même règle. Et ça vous explique, c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez qu'il y a, je dirais, un temps extrêmement important entre le moment où vous faites une découverte au niveau du laboratoire et le moment même où cette découverte n'est pas encore sur le marché, mais on va la tester pour la première fois chez l'homme en faisant, par exemple, un essai clinique de phase 1. Donc, tout ça prend énormément de temps. Alors, je vais vous dire, en médecine, je pense que les miracles n'existent pas. Enfin, j'en connais pas vraiment à ce stade-ci. Là aussi, les nanomédicaments, la nanomédecine obéit à peu près aux mêmes règles. Et il faut rajouter aussi que comme ce sont des nouvelles technologies, enfin, nouvelles par rapport aux médicaments plus traditionnels, avec des formes galéniques traditionnelles, ben, il est évident qu'on s'entoure en particulier dans le domaine toxicologique, de toute une série d'assurances pour être sûr que le rapport, parce que finalement c'est ça qui est important, que le rapport entre le bénéfice et le risque est très en faveur du bénéfice. Et je vous signale quand même qu'il y a un certain nombre de nanomédicaments sur le marché, que certains ont été mis sur le marché il y a déjà presque une dizaine d'années quand même, et qu'à ce stade-ci, on n'a pas découvert d'effets secondaires majeurs dus à la nano, à la forme nanoparticulaire. Donc vous voyez, il n'y a pas de miracle, mais comme l'a très bien dit Nathalie Minier, bon, je pense que la science avance et il y a quand même concrètement pour les patients des médicaments sur le marché, notamment dans le domaine de la cancérologie. Mais vous le notez très bien l'un et l'autre, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à la différence, le comparatif est intéressant, puisqu'on parlait ici même lundi des anticorps monoclonaux, qui sont effectivement une nouvelle phase de recherche en médicaments, et notamment et également en cancérologie, qui s'est extrêmement développée au cours à peu près de la même période de temps, hein, ces 15-20 dernières années, mais il y a une différence majeur avec les nanomédicaments, c'est le nano, c'est que c'est une nouvelle technologie et qu'il y a peut-être plus, Nathalie Minier, plus de prudence, plus de précautions à prendre, effectivement, au sens du principe de précaution, peut-être aussi un peu plus de réticence, y compris des industriels. Je ne pense pas, je rejoins complètement Patrick Couvreur dans le sens que c'est un autre médicament et que ça doit être étudié de la même manière, avec les mêmes précautions. Donc on a une agence du médicament qui vérifie l'ensemble des données. Le fait est que pour un nanomédicament, ça ne sera pas une seule molécule. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être la molécule active plus des excipients, comme dans une formulation de médicaments. Donc évidemment, il faut regarder l'ensemble de ces excipients, qu'il n'y ait pas une toxicité relative à chacun. Et donc, on va prendre des précautions, mais qui ne sont pas plus importantes que pour un médicament. L'objectif, comme l'a dit Patrick, c'est bien d'aller vers un grand bénéfice pour le patient. Vous ne pensez pas, Patrick Couvreur, pour conclure ce petit propos introductif, qu'il y a tout de même effectivement plus de précautions? On a aujourd'hui, y compris dans l'opinion publique, entendu beaucoup de choses autour de la nocivité potentielle des nanoparticules, pas des nanomédicaments, mais des nanoparticules qui sont contenues dans un certain nombre de plastiques, de produits, de poussières que nous ingérons, dont la toxicité est encore pas très très bien mesurée, qu'il y a effectivement une prudence autour de l'irruption de cette nouvelle technologie dans le domaine biomédical, qui explique peut-être effectivement une prudence un peu plus grande, simplement, que la médecine galénique traditionnelle. Il y a certainement une prudence, mais si vous voulez, le problème toxicologique des nanomédicaments ou de la nanomédecine, parlons plutôt des nanomédicaments dans ce cas-ci, parce que la nanomédecine, c'est quand même plus vaste. Le problème est quand même très différent, parce que, encore une fois, les règles nous imposent à tout médicament de vraiment border les choses sur le plan toxicologique. Alors, il faut savoir que ce qui est probablement plus complexe qu'avec des anticorps ou avec des médicaments traditionnels, c'est qu'on a besoin d'avoir une approche pluridisciplinaire. Quand on développe un nanomédicament, vous devez avoir des physiciens, des physico-chimistes qui vont vous dire quelle est la taille des nanotechnologies, quelle est la forme, quelles sont les charges de surface, etc., etc. Donc il faut des physiciens, des physico-chimistes. Puis il vous faut des chimistes. Parce qu'il faut savoir que quand vous développez un nanovecteur, vous devez absolument avoir recours à des matériaux qui sont biodégradables. Mm-hmm. C'est-à-dire qui vont être éliminés, métabolisés dans l'organisme. Le nanovecteur, c'est l'enveloppe qui contient le médicament qui va aller agir sur la cellule. L'enveloppe ou la structure matricielle. Voilà. Vous avez besoin de chimistes aussi pour éventuellement décorer ces nanoparticules avec des ligands qui vont reconnaître par exemple les cellules tumorales. Donc il faut des physiciens, des chimistes. Bien entendu, je suis pharmacien, il faut aussi des pharmaciens qui vont faire les études de distribution intracellulaire, pharmacocinétique. Et puis, il faut des pharmacologues, qui sont souvent des pharmaciens aussi, qui vont faire des études sur des modèles expérimentaux précliniques. Et là, on n'est pas encore à la clinique. Donc, vous voyez déjà la pluridisciplinarité dont vous avez besoin. Et ça, c'est clair que c'est un élément qui rend les choses peut-être plus difficiles à développer, parce que vous devez démontrer non seulement que votre molécule encapsulée n'est pas est peu toxique, que votre nanovecteur est biodégradable, biocompatible, qui n'induit pas des toxiques, et que les deux ensemble vont avoir une pharmacocinétique et une biodistribution qui correspond bien à celle que vous attendez. Donc vous voyez, les choses sont quand même plus compliquées parce que ce sont des technologies évoluées. Nathalie Minier. Effectivement, dans les anticorps, on était vraiment sur des approches biologiques, hein, principalement. Donc, effectivement, cette pluridisciplinarité est moins requise. Et nous avons absolument besoin d'experts dans tous les domaines pour développer ces nanotechnologies et surtout aller vers les nouvelles. Là où peut-être vous évoquez une réticence, je dirais que c'est plutôt une méconnaissance des industriels ou des médecins. Et effectivement, il est de notre devoir, et donc avec Patrick, effectivement, nous travaillons beaucoup à la diffusion et la communication sur les nanomédecines pour effectivement montrer que le domaine avance, que ce n'est pas seulement dans nos laboratoires que ça avance, mais ça avance également dans certaines sociétés, de façon à intéresser les gens, à éduquer un peu plus, et puis, comme vous le disiez, à éduquer aussi le public, de façon à ne pas avoir ces réticences qui ne sont pas liées au domaine médical, mais plutôt au domaine de la vie publique. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. Peut-être qu'on peut redonner quelques éléments à la fois historiques et même des éléments d'échelle, parce que quand on est dans l'infiniment grand, alors pour le coup, hier, on parlait des galaxies, donc on était dans l'infiniment grand, là, on descend, comme disait de l'autre côté Richard Feynman, on parle de nanomédecine, on est à quelle échelle? Et peut-être que c'est intéressant de donner un peu justement des échelles de grandeur par rapport à la cellule, la molécule, l'atome, Patrick Couvreur. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'il ne faut pas se positionner sur une question de taille, a priori, parce que si vous posez la question à un physicien, à partir de quelle taille on a des nanotechnologies, lui il va penser, comme vous le dites très bien, atome. Vous posez la même question à un chimiste, lui il va penser un assemblage de molécules, donc déjà quelque chose de plus gros. Et puis si vous posez la même question à un biologiste, eh bien, il va penser à des associations, par exemple d'acides nucléiques et de protéines. Ça peut former des nanotechnologies, finalement. Donc si vous voulez, la taille, je pense, n'est pas une bonne manière d'attaquer le problème. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où vous passez d'une structure qui est macroscopique à une structure microscopique, et puis à des structures de plus en plus petites, eh bien, la définition pour moi de la nanotechnologie, c'est qu'à un certain moment, vous allez avoir ce qu'on appelle une rupture de propriété. C'est-à-dire, vous allez par exemple avoir, je vais dire, une fluorescence qui va être émise, ou une couleur, ou, alors parlons du domaine du médicament. Moi, quand j'étais sur les bancs de la faculté à l'université de Louvain, ça fait déjà un petit temps quand même, on nous enseignait en galénique qu'on ne pouvait pas injecter par voie intraveineuse des suspensions particulières, c'est-à-dire des particules en suspension dans une solution injectable. Eh bien maintenant, j'enseigne exactement le contraire à mes étudiants. On va utiliser des suspensions nanoparticulaires pour faire de la vectorisation des médicaments. Donc vous voyez qu'il y a une rupture de propriété. On peut injecter par voie intraveineuse, faire de la vectorisation. Donc je pense que c'est plutôt la rupture de propriété due évidemment à la diminution d'échelle de taille qui permet de définir ce qu'est une nanotechnologie. Nathalie Mignier, on peut dire que le nanomètre, c'est un milliardième de mètre, ça c'est certain, c'est 10 puissance moins 9, mais effectivement, quand on parle de nanomédicaments ou de nanomédecine, on peut être à 10, 100, parfois 1000 nanomètres, donc ça change beaucoup, on change à puissance 3, ce qui n'est pas rien. Oui, alors effectivement, il y a la définition même de l'agence européenne, qui est quand même une dimension de l'objet doit être inférieure à 100 nanomètres, ça fait partie entre 1 et 100 nanomètres, donc ça fait partie des disons, de la définition aujourd'hui acceptée, mais qui n'est pas vraiment acceptée par tous, on va dire, qui est la définition. Effectivement, on ne la reconnaît pas parce qu'elle est trop limitante et qu'effectivement, ça va au-delà de ça. Parce qu'on est plutôt sur des assemblages moléculaires qui vont effectivement donner de nouvelles propriétés. Ce qui est peut-être intéressant de rappeler, c'est la taille moyenne d'une cellule. Une cellule, ça fait quelle taille, Patrick Couvreur? Ça dépend quelle cellule, mais disons qu'un globule rouge, ça fait 7 microns. Donc, quand on va développer un nanomédicament qui va avoir, disons, une centaine de nanomètres en moyenne ou 150 nanomètres. Donc, micron, c'est 10 puissance moins 6. Hein. C'est ça. On est à une échelle de taille qui est à peu près 70 fois plus petite. Donc, vous imaginez, vous allez injecter vos nanoparticules dans le torrent circulatoire, vous allez avoir des objets qui sont 70 fois plus petits que les globules rouges qui, effectivement, se trouvent dans le même compartiment. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, ces nanomédicaments sont plus petits, nettement plus petits que les cellules concernées. On va voir que c'est aussi l'un des enjeux précisément dans les travaux autour de la toxicité, la pénétration d'un certain nombre de barrières. On va en parler dans quelques instants. Ce qui est intéressant, peut-être qu'il faut aussi préciser, Nathalie Mignier, c'est que effectivement à l'échelle nanométrique, et on en a beaucoup parlé ici quand on fait de la physique théorique ou de la physique des particules, la matière ne se comporte pas tout à fait de la même façon. C'est ce que disait Patrick Couvreur, de la même façon qu'à l'échelle macroscopique. Absolument, et ça pose également un problème de caractérisation, hein, puisqu'on se retrouve dans des domaines où il est difficile de caractériser ces nouveaux objets. Donc, effectivement, lorsqu'on atteint de nouvelles propriétés, eh bien, il faut également développer de nouvelles technologies pour caractériser ces nouvelles propriétés. Et ces nouvelles propriétés ouvrent de très grands espoirs. Hein. C'est tout l'avantage des nouvelles applications qu'on va retrouver. Effectivement, Patrick Couvra, c'est une grande partie de sa vie à travailler sur... Curseur de nanotechnologie, de la médecine il a autour de cette table. Le chemin Ne rougissez pas, c'est le cas, c'est vrai. Absolument. Vous avez commencé à travailler dans les années 70, j'ai des chiffres que je peux retrouver. En 77, vous montrez qu'il est possible de faire entrer une molécule active dans une nanocapsule. On est très très en amont du développement de la nanomédecine dans les années 90. Ah mais c'est clair, à ce moment-là, on n'imaginait pas une seconde que ça allait déboucher nécessairement sur des médicaments. Parce qu'encore une fois, je voudrais insister sur le fait qu'actuellement, il y a des nanomédicaments, il y a des spécialités sur le marché. On n'imaginait pas. Et donc, dans ces années-là, ce qu'on a démontré, c'est qu'on pouvait utiliser des nanotechnologies. Je vous l'ai dit préalablement à l'émission, moi je travaillais, étant pharmacien, galéniste, sur les comprimés. Et en fait, c'est le fait d'être très proche du laboratoire du professeur De Duve, prix Nobel de médecine, donc en Belgique. On s'est rendu compte qu'il y avait des tas de molécules qui ne rentraient pas dans les cellules. Et donc, qu'on ne pouvait pas avoir d'activité thérapeutique parce que les cibles thérapeutiques sont en intracellulaire. Et donc, nous avons montré pour la première fois qu'en encapsulant c'était de la fluorescéine à l'époque, dans tous les cas, des substances à l'intérieur de nanoparticules, ça permettait de faire rentrer dans la cellule des molécules qui normalement ne s'y accumulent pas. Et ça, c'était quand même quelque chose de nouveau à l'époque. Mais pour faire vraiment brièvement un petit peu d'histoire, Nathalie Minier, parce que faire d'histoire sur une discipline qui a trouvé son nom en 1999, le terme nanomédecine apparaît chez Robert Freitas, américain, en 1999. Finalement, comment se fait-il que ça ait là aussi mis autant de temps entre les premiers travaux, les travaux préparatoires et les premiers succès, surtout de Patrick Couvreur, à finalement la fin des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Alors, il y a évidemment toujours des travaux en parallèle, hein, qui font qu'à un moment ils se retrouvent. Il y avait également des études sur les mimes de cellules. On essayait dans les laboratoires de mimer les membranes cellulaires pour comprendre leurs interactions, pour comprendre les interactions protéines-membranes. Et ces mimes, finalement, de membranes cellulaires, sont devenus les nouveaux nano-objets qui, finalement, ont fini en clinique. Les liposomes, au départ, ce sont des phospholipides qu'on retrouve dans les membranes cellulaires. Donc, on voulait faire des vésicules de phospholipides qui mimaient nos membranes cellulaires pour faire des études biologiques, des études d'interaction. Il s'avère que ces objets, finalement, sont capables de transporter des médicaments, puisque les médicaments donc, sont des atomes plus petits que les nanotechnologies. Hein, on est entre les deux, entre l'atome, les nanoparticules, puis les cellules. Et par là même, on a pu avoir des nano-objets qui sont considérés comme naturels parce que constitués de phospholipides, que l'on retrouve dans nos membranes, et qui ont pu montrer donc, un effet de libération, d'encapsulation, puis de libération de principes actifs. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons de nanomédecine, de nanomédicaments tout au long de cette heure en compagnie de Nathalie Minier et de Patrick Couvreur. Les premiers résultats thérapeutiques expérimentaux de cette nanomédecine, on est en 2004, c'est en cancérologie. Pourquoi est-ce que c'est la cancérologie qui s'approprie ces technologies-là? C'est assez facile à comprendre. C'est dû au fait que, évidemment, quand on parle, l'objectif, c'est de faire de la vectorisation des médicaments. Et donc, on va principalement s'intéresser à des molécules qui ont une activité thérapeutique évidente, ce sont les anticancéreux, mais qui malheureusement ciblent mal les cellules tumorales et donc ont des effets secondaires considérables. Ce sont des molécules donc qui sont finalement très actives, mais aussi très toxiques. Et donc, il y a un intérêt... On parle de molécules de chimiothérapie classique. De chimiothérapie classique, doxorubicine, cisplatine, gemcitabine, etc. Toutes ces petites molécules, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore les... Il y avait déjà les anticorps, mais enfin, pas encore développés au niveau thérapeutique comme on les connaît maintenant. Donc, il est évident que ces molécules-là, il y avait un intérêt majeur à les vectoriser pour diminuer la concentration au niveau des tissus sains de l'organisme et augmenter la concentration au niveau des cellules tumorales. Et bon, pour vous donner un exemple tout à fait classique, c'est celui de la doxorubicine, qui est un anticancéreux, qui a une toxicité cardiaque qui est absolument considérable, enfin, qui est la toxicité limitante, eh bien on sait que quand on les met dans des nanotechnologies, des liposomes ou les particules que nous avons développées, on supprime totalement la toxicité cardiaque du produit. Donc, ça veut dire qu'on peut en administrer plus. Et donc, que par ce biais-là, on peut être plus efficace aussi. Et l'autre, ce qui est important, parce qu'on va en parler, Nathalie Minier, tout au long de cette heure, l'autre élément qui est important, c'est que grâce à cette nanomédecine, on ouvre un nouveau pan de la médecine qu'on appelle aujourd'hui la théranostique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi, finalement, ces nanotechnologies permettent d'avoir cette double approche simultanée? Alors, cette double approche, elle est intéressante notamment en... Qu'est-ce que c'est la théranostique, pour commencer simplement? Alors, voilà, c'est la condensation de deux mots. Elle est intéressante surtout en recherche, en fait. L'idée, c'est de pouvoir imager à la fois et donc avoir pouvoir suivre. Au départ, elle a été vraiment utilisée dans le sens thérapie plus diagnostic. Ce ne sont pas des objets, en fait, qu'on peut utiliser directement. Il est rare de développer un agent diagnostique et de traiter au moment où on aura diagnostiqué une pathologie. On ne va pas véhiculer un agent toxique sans savoir si la personne est atteinte d'une pathologie. Donc, ce n'est pas un agent, finalement, dans le sens initial de théranostique qui va être développé. En revanche, il y a des agents aujourd'hui qui nous emmènent très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer au départ, sur le fait qu'on peut imager ces agents, et ensuite qu'ils aient une propriété intrinsèque qui améliore, par exemple, un traitement. Alors là, je pense à des essais cliniques qui sont réalisés avec des nanoparticules qu'on peut suivre par IRM. Mmh. Et ensuite, après avoir suivi ces nanoparticules par IRM, on peut traiter avec de la radiothérapie, comme on le ferait classiquement, à l'endroit où on peut voir ces nanoparticules. Et qui ça, se sont accrochées, en fait, aux cellules tumorales. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, alors, dans ce cas-là, on attend, bien sûr, une amplification de l'effet de radiothérapie. Nous sommes très en avance dans ce domaine en France. Hein, il y a deux types d'essais cliniques qui ont démarré, avec deux sociétés en France qui s'appellent Nanobiotics et NH Teragix. Donc, dans ce domaine-là, c'est extrêmement actif actuellement. C'est considéré comme l'une des voies d'innovation en France dans le domaine des nanotechnologies, où on développe des nanotechnologies qui ont des propriétés intrinsèques qui vont pouvoir augmenter des effets de thérapie existantes, telles que la radiothérapie. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, on voit évidemment le pas de géant que ça constitue en matière thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut suivre en direct quasiment l'action, le trajet, le parcours, l'efficacité d'un médicament et du coup le cibler encore mieux la réponse thérapeutique que ce médicament est censé délivrer. Tout à fait, mais encore une fois, soyons prudents. Hein, vous dites un pas de géant, donc ça veut dire peut-être dans un an, vous allez nous dire, mais il n'y a pas encore d'anothéranostique sur le marché. Puis, vous me taperez sur les doigts et puis ce sera bien fait pour moi. Voilà, donc vous vous rendez compte que si vous voulez associer de l'imagerie, du diagnostic, je dirais, avec d'autre part de la thérapeutique, vous voyez sur le plan du développement pharmaceutique que vous compliquez considérablement les choses. Donc, encore une fois, ce sont des technologies qui sont très innovantes, qui sont très intéressantes. Il y a des avancées considérables, mais ça va prendre du temps. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir développer ça extrêmement vite. C'est beaucoup plus compliqué qu'un médicament normal. Ça, je pense que c'est important pour les auditeurs de bien le comprendre. Mais ce que je vous propose, oui, Nathalie Minier, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir sur le fait que, donc là, nous avons parlé thérapeutique et théranostique en faisant un pas direct de l'un vers l'autre. Sans passer par le diagnostic. Voilà, sans passer par le diagnostic. Or, nous avons quand même des possibilités et maintenant des applications potentielles en nanomédecine. La nanomédecine, en fait, est définie pour les applications dans le thérapeutique et l'imagerie. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces agents. Comme vous l'a dit Patrick, on peut les fonctionnaliser en surface, on peut mettre des agents, on peut cibler. Et donc là, ça veut dire qu'avec des agents qui ciblent certains types cellulaires, on va pouvoir imager ces types cellulaires. Notamment, évidemment, on sera intéressé par des cellules pathologiques, cancéreuses, pour savoir quelle est la marge tumorale ou est-ce qu'on peut voir des cellules tumorales chez un patient. Donc effectivement, là, il y a beaucoup de potentiel, puisque ces nouvelles propriétés en imagerie vont pouvoir être mises à profit pour le diagnostic. Il y a d'ailleurs des nanomédicaments sur le marché qui ont une visée purement diagnostique. Absolument. Par exemple, les laboratoires Gerber, alors peut-être que le produit n'est plus sur le marché pour d'autres raisons, mais ils ont eu l'AMM pour l'Endorem. L'autorisation de mise sur le marché, l'AMM. Voilà, l'autorisation de mise sur le marché, excusez-moi. Pas de problème. Donc, qui ont été obtenues pour des nanoparticules d'oxyde de fer pour faire de l'imagerie du foie. Et ça permet de voir si vous avez présence ou pas présence, par exemple, de métastases. Eh bien, on utilise des nanos Pour faire cela, ce sont des nanoparticules d'oxyde de fer. Le nom de la spécialité, c'était l'endorem. Alors, pour comprendre exactement bien comment ça marche au niveau cellulaire, ces nanomédicaments, ces nanoparticules, eh bien, nous sommes allés plonger au cœur des cellules. C'est Antoine Beauchamp qui a revêtu les habits de Dennis Quaid dans L'Aventure intérieure. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry pour un voyage fantastique dont vous êtes à peine remis. Oui, je me suis rendu à la rencontre de Julien Nicolas, que vous connaissez bien, Patrick Couvreur, oui, puisque vous travaillez ensemble au sein du groupe Nanomédicaments pour le traitement de maladies graves. Julien Nicolas est chimiste et directeur de recherche CNRS. Avec son équipe, il mène des recherches pour développer des nanoparticules destinées à la délivrance de nanomédicaments, mais aussi des nanoparticules utilisées pour l'imagerie propre à la nanomédecine. On a donc parlé ensemble des enjeux chimiques à l'œuvre dans l'encapsulement de nanomédicaments et comment on fait en sorte que ces nanoparticules ne soient pas toxiques pour les personnes à qui on les prescrit. Alors en fait, je cherche à développer ce qu'on appelle des nanoparticules, qui sont des objets généralement sphériques très petits, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Et on va chercher à les rendre capables de transporter et de délivrer spécifiquement au sein de l'organisme des principes actifs, notamment anticancéreux. Là, c'est ce qu'on appelle la partie délivrance de médicaments. Il y a une autre partie qui concerne également l'imagerie, je crois. Alors, en quoi ça consiste ? Exactement. Donc, ce qui va être intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'on va pouvoir, grâce à l'incorporation en fait, de sondes fluorescentes notamment, au sein des particules, eh bien, on va pouvoir suivre leur devenir au sein de l'organisme après administration, vérifier qu'elles vont bien s'accumuler dans une tumeur ou que les particules vont bien être excrétées après administration. Alors là, on a deux champs de recherche en chimie, en nanomédecine. Je voudrais savoir un petit peu les problématiques, les contraintes qui sont propres un petit peu à chacune de ces deux applications qui sont assez différentes. Alors déjà les contraintes au niveau des particules, il y a plusieurs problématiques on va dire. On va chercher tout d'abord à essayer de guider efficacement ces nanoparticules au sein de la tumeur. On va éviter que ces particules n'aillent circuler ailleurs pour éviter des effets toxiques. On va aussi chercher à parvenir à libérer le principe actif une fois les particules arrivées au sein de la tumeur et pas avant, toujours pour éviter des effets toxiques. Et on va essayer de s'assurer qu'une fois le principe actif libéré, ces particules vont être soit dégradées, soit excrétés totalement de l'organisme. Alors au niveau des contraintes, plus en rapport avec la chimie, effectivement le cahier des charges, lorsque l'on développe de nouveaux matériaux pour application médicale, est assez exigeant effectivement, puisque ces particules vont être destinées à être administrées à des patients, donc on doit s'assurer que ces particules et les matériaux utilisés pour les faire, en l'occurrence en ce qui nous concerne des polymères, ne vont pas induire de toxicité, qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit chronique, et on va chercher effectivement à rendre ces polymères, ces particules complètement dégradables pour éviter tout résidu au sein de l'organisme. Et donc, d'un point de vue de la chimie, on va essayer d'obtenir des polymères qui ont un degré de pureté le plus élevé possible. On va éviter effectivement toute trace de réactifs de sol organique ou bien d'impuretés diverses. Et au niveau des polymères en tant que tels, on va essayer de les rendre complètement dégradables dans des conditions physiologiques, évidemment. Comment on rend chimiquement quelque chose biodégradable ? Un polymère, en fait, c'est une macromolécule qui est formée par un enchaînement de sous-unités, des monomères, en fait. Eh bien, on va essayer, au niveau de la synthèse, d'incorporer au sein de ce squelette polymère des fonctions labiles, des fonctions dégradables, des liaisons esters, des liaisons amides, par exemple, qui vont, elles, être clivées par les enzymes, notamment, qui sont dans l'organisme. Vous travaillez également à ce que vous appelez une prodrogue dans le cadre de la recherche de nanoparticules qui pourraient être utiles dans le cadre de traitement de cancer. En quoi consistent ces recherches et qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, lorsque l'on prépare des nanoparticules, on va chercher à incorporer au sein de ces particules des principes actifs, comme je vous l'ai dit, anticancéreux notamment. Un problème lié à cette approche, c'est que l'encapsulation qu'on appelle physique, c'est-à-dire le simple emprisonnement en fait du principe actif dans la particule, ne va pas être efficace. On va avoir des taux de chargement en principe actif qui vont être généralement faibles, et on va avoir aussi quelques limitations, notamment ce qu'on appelle le burst release, en fait, c'est la libération très précoce d'une grande partie de principe actif qui, lui, n'est pas bien emprisonné au sein de la particule, mais simplement absorbé à la surface. Et donc ça peut induire des effets toxiques. Donc l'intérêt de la prodrogue, c'est qu'en fait, on va chercher à coupler, à établir un lien chimique, en fait, entre le principe actif et le polymère, donc entre le principe actif et la particule. Donc on va vraiment essayer, via ce couplage chimique, d'incorporer beaucoup plus de principe actif au sein de la particule, et on va, grâce à cette liaison chimique entre le principe actif et le polymère, on va moduler en fait la cinétique de libération du principe actif, on va réussir à mieux la maîtriser et à mieux la contrôler pour avoir un effet thérapeutique accru. Donc là, on est dans un laboratoire assez orienté vers la chimie. On a tout un tas d'appareils plus orientés vers la synthèse chimique, la synthèse de polymères, la synthèse organique. Et donc là, on va vous présenter la formation de nanoparticules à partir d'un polymère qui a été synthétisé à l'avance. Donc on a synthétisé notre polymère, on l'a purifié, on l'a synthétisé comme on le souhaitait, on a contrôlé bien ses caractéristiques macromoléculaires, physico-chimiques, etc. Et donc là, on va vous présenter une méthode de préparation de nanoparticules qu'on appelle nanoprécipitation. Donc en fait, on dissout un polymère dans un solvant organique qui est lui parfaitement miscible à l'eau. Et en fait, cette solution organique de polymère va être ajoutée goutte à goutte à une suspension aqueuse qui contient ou non un tension actif. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin. Et là, le solvant organique va diffuser dans la phase aqueuse et des nanoparticules polymères vont être formées quasi spontanément. Le polymère va en fait précipiter sur lui-même pour former les nanoparticules. Et ensuite, il n'y a plus qu'à évaporer le solvant organique pour obtenir une suspension aqueuse de nanoparticules polymères. La solution commence à se troubler. On voit, on distingue l'apparition de nanoparticules polymères ici. Ça nous montre effectivement que notre polymère est capable de s'auto-assembler sous la forme de particules. Une fois que la suspension aqueuse de nanoparticules est formée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la caractériser. Donc on va analyser par différentes techniques ces particules. On va mesurer leur diamètre moyen, par exemple. On va aussi analyser leur morphologie. Normalement, on obtient des particules sphériques, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on va parfaitement caractériser nos particules avec divers instruments. Et voilà comment on fabrique des nanomédicaments. Vous n'avez qu'à suivre la recette chez vous. C'est assez simple quand on entend comme ça. Bon, évidemment, avec les images, ça marche un peu mieux. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre et à ce qui a été dit, Nathalie Minier et Patrick Couvreur, sur le reportage. On entend pas mal de choses que vous avez déjà évoquées, notamment la transdisciplinarité qui est nécessaire pour développer ce type de nanomédicaments, mais aussi les préoccupations autour de la dégradation de ces polymères. Une réaction à ce que vous d'entendre Nathalie. Oui, ce qu'on vient d'entendre. Et ne pas voir. En fait, on ne voit jamais ce qu'on fait. On est dans le domaine nano, effectivement. Et donc là, vous avez une description qui est aussi parlante que ce que vous auriez pu voir, effectivement. On ne voit rien. Effectivement, il faut utiliser des méthodes très, très pointues. Aller chercher dans l'imagerie par transmission électronique pour pouvoir visualiser enfin ce qu'on aura trouvé dans nos suspensions qui auront été formées par la méthode qui vient d'être décrite. Patrick Couvreur. Oui, juste pour les auditeurs, parce que évidemment Nicolas Julien c'est un chimiste des polymères, donc il a beaucoup parlé de polymères. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre classe, je dirais, de matériaux pour le transport de médicaments et pour faire des nanotechnologies, sont les lipides. Mm-hmm. Comme il a été dit plus tard, parce qu'on parle beaucoup de nanoparticules, mais effectivement, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les liposomes. C'est la première génération de nanoparticules. C'est la première génération, on peut l'appeler ainsi, et d'ailleurs beaucoup de nanomédicaments sur le marché sont à base de phospholipides. Lipides et donc sont des liposomes. Vous allez nous expliquer dans un instant précisément comment ça marche ces liposomes et puis quels sont les différents types de nanomédicaments qui sont développés parce que je parlais de première génération, il y en a déjà eu plusieurs. La méthode scientifique, Nicolas Martin. I'm always a flop at a top-notch affair, but I still got my health, so what do I care? My best ring of lights is a glass solitaire, but I still got my health, so what do I care? By fashion and poppery, I'm never disgusted. Attending the opera, my box would be a bust. I never shall have that Park Avenue air, but I'm in such health, why should I care? The hip that I shake doesn't make people stare, but I've got such help, what do I care? The sight of my props never stops a thoroughfare, but I still got my health, so what do I care? Your face is your fortune, so some wise man spoke. My face is my fortune, that's why I'm totally broke. My ship ain't coming, but I grin while I bear, 'cause I've got my vitamins A, B, C, D, E, F, G, H. I still have mine. Got no diamonds, got no wealth, I got no men, but I got my health. Got My Health de Bette Midler, j'ai la santé. Eh bien oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite, la santé, puisqu'on parle de nanomédicaments et de nanomédecine tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Nathalie Minier, directrice de recherche CNRS à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Descartes et présidente de la Société française de nanomédecine, et Patrick Couvreur, qui est professeur de pharmacotechnie et biopharmacie à l'Université Paris-Sud et responsable de l'équipe nanomédicaments pour le traitement des maladies graves. Alors, juste avant d'entendre et d'écouter Bette Midler, on parlait, c'est intéressant, de cette toute première, alors première génération, c'est le terme qui a été retenu, en tout cas peut-être des premières mises sur le marché, je parle sous votre contrôle Nathalie Minier, des liposomes, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces vecteurs-là pour, comme premier nanomédicament? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, au départ, on était sur le monsieur Grigoriadis, hein, qui travaillait sur les liposomes comme mime de membrane cellulaire, et qui donc, on pouvait espérer de ces objets qu'ils ne soient pas toxiques, puisque constitués de phospholipides. Aujourd'hui, donc, on a effectivement des liposomes qui sont les principales nanoparticules sur le marché en clinique. Et aussi, pour l'imagerie, on a des microbulles. Hein, on trouve des microbulles qui sont des agents échographiques utilisés pour les ultrasons. Alors, on sort un tout petit peu du domaine nano, elles s'appellent microbulles, elles sont un petit peu plus au-dessus, mais effectivement, elles sont également constituées de phospholipides, simplement pas remplies d'eau, mais de gaz, dans ce cas-là. Et ces liposomes, concrètement, comment ça fonctionne au niveau cellulaire? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a utilisé des liposomes pour aller délivrer, parce qu'on les a utilisés pour un certain type de cancer particulier, pas pour n'importe lequel, pour des raisons précises? Oui, mais au départ, en fait, on pensait surtout que les liposomes allaient fusionner avec les membranes cellulaires, puisque constituées de phospholipides, et que les membranes cellulaires fusionnent pour constituer de nouvelles cellules. Et donc, on pensait vraiment que c'était ce mécanisme-là qui allait jouer, qu'on allait délivrer finalement par fusion simple. Il s'avère que le mécanisme s'est avéré plus complexe, et qu'il n'y a pas une simple fusion, mais plutôt un invaginement de la membrane autour de ces objets, qui font que ces objets se retrouvent ensuite dans des endosomes, donc dans des vésicules un peu plus grandes que ces objets, qui se retrouvent dans le cytoplasme, dans la cellule. Et dans les cellules tumorales particulièrement, Patrick Couvreur, parce que... Oui, alors dans les cellules tumorales particulièrement, là il faudrait peut-être définir les trois générations de vecteurs pour bien comprendre. Tout à comprendre. Fait, c'est parce que liposomes... on peut dire effectivement c'est les liposomes, la première génération, moi je vois les choses un petit peu différemment. La première génération de vecteurs, ça peut être des liposomes, ça peut être des nanoparticules, ce sont des nanovecteurs qu'on va injecter par voie intraveineuse, et qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va voir ces particules comme des éléments étrangers. Comme du non-soi. Comme du non-soi, comme des virus, comme des bactéries. Qu'il va falloir éliminer, donc. Qu'il va falloir éliminer. Et donc, vous allez avoir une espèce de défense immunologique. Et pour faire cela, l'organisme va induire l'absorption de certaines protéines plasmatiques à la surface de ces particules qui vont être directement captées par le foie. Principalement par le foie et par la rate, mais principalement par le foie. Ça, ce sont les vecteurs de première génération. Ils vont tous dans le foie, que vous fassiez des liposomes, des nanoparticules polymères, des oxydes de fer pour l'imagerie, on l'a dit tout à l'heure, ils vont dans le foie, pour moi c'est la première génération. Et donc ils sont lysés, et donc ils relâchent la molécule qu'ils contiennent. Voilà, et donc c'est un peu une des start-up que j'ai créées pour l'hépatocarcinome. C'était des nanoparticules biodégradables à base d'un polymère, dans lequel on encapsule de la doxorubicine, on va dans le foie, on délivre la doxorubicine au niveau hépatique, et on traite l'hépatocarcinome. Carcinome, qui est une tumeur primaire du foie. Ça, ce sont les vecteurs de première génération. Les vecteurs de deuxième génération, c'est quand on veut aller ailleurs que dans le foie. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher l'absorption de ces protéines plasmatiques qui signent finalement que ce sont des particules exogènes. Et pour ça, on va décorer ces nanoparticules ou ces liposomes, vous voyez, ça vaut pour les deux, avec des espèces de cheveux moléculaires qui vont rejeter les protéines. Des polymères hydrophiles. Des polymères hydrophiles, exactement. Et donc, le résultat, c'est que ces particules, que ce soit des liposomes ou des nanoparticules, vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que dans certains cas, dans tous les cas en préclinique et en clinique dans certains cas, au niveau des tumeurs, vous avez des vaisseaux qui sont beaucoup plus perméables. Et donc, c'est la vascularisation des tumeurs fait que les vaisseaux que les sont, vaisseaux sont plus perméables. Voilà. Et c'est un peu, vous savez, quand on a un tuyau d'arrosage avec des trous au niveau d'une plante, hein, vous avez ce qu'on appelle de l'extravasation, c'est-à-dire que ces particules ou ces liposomes qu'on dit furtifs, donc qui sont pas reconnus par le foie, qui tournent longtemps dans la circulation générale, ils vont extravaser au niveau, pas uniquement des tumeurs, mais là où vous avez une réaction inflammatoire. Ça, c'est la deuxième génération. Donc, on peut aller ailleurs que dans le foie. La troisième génération, on va encore plus loin. On va mettre à la surface, à la fin de ces cheveux moléculaires, à la surface de ces nanoparticules ou de ces liposomes, des ligands qui, eux, sont extrêmement spécifiques de certains récepteurs qui sont localisés au niveau des cellules tumorales. Ça, c'est la stratégie de ciblage extrêmement précise, qui est encore en cours de recherche. Absolument. Voilà. Il n'y a pas de nanomédicaments sur le marché là-dessus. Mais il est évident que ce sont les approches dont on peut imaginer qu'elles seront les plus sélectives et les plus spécifiques. Nathalie Minier. On peut également citer de nouvelles approches, alors je ne sais pas si on les appellerait les quatrièmes générations, mais qui seront des méthodes combinées de nanoparticules qui vont être furtives. Donc, pour une injection, une administration veineuse, effectivement, on va plutôt choisir des particules furtives, donc recouvertes de polymères hydrophiles, mais qui vont être combinées avec des méthodes physiques. Donc, par exemple, la chaleur. Il y a eu des essais cliniques qui sont arrivés en phase 3 sur un liposome qui s'appelle Thermodox, qui est sensible à la chaleur et qui va délivrer, lorsqu'on va appliquer une certaine température, qui va délivrer spécifiquement la doxorubicine au niveau de la tumeur. Il y a des approches, nous on développe ça également dans l'unité des technologies chimiques et biologiques pour la santé, des approches combinées de vecteurs et d'ultrasons, ou de vecteurs et de radiofréquences, de façon à combiner des méthodes physiques existantes avec ces nanovecteurs. Ou activation magnétique aussi. Ou magnétique, voilà. Pour faciliter la libération, soit pour améliorer un effet. Par exemple, pouvoir échauffer localement au niveau de la tumeur peut avoir un effet très bénéfique pour l'internalisation de ces nanoparticules. C'est-à-dire que finalement, là, on est vraiment sur... ça permet de cibler encore mieux, absolument, précisément les tissus, la tumeur localisée, pour le cas où ce sont des tumeurs localisées et pas des tumeurs liquides. Que dire? Alors, on entendait aussi quelque chose qui est important, abordons-le aujourd'hui. Peut-être, avant d'aborder la question des dégradations, peut-être un mot, Nathalie Minier ou Patrick Couvreur, sur la question des types de tumeurs. Parce que quand on fait ces émissions, comme celle de lundi par exemple, où on parle effectivement de nouveaux types de traitements de maladies graves, comme le cancer par exemple, évidemment les auditeurs se demandent quel type de cancer, qui est éligible, quels sont les patients qui sont éligibles à ce type de médicaments. Est-ce que pour le moment ça concerne juste des cancers extrêmement ciblés? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce type de technologie? Comment ça se passe, Nathalie Minier? Effectivement, la majorité des études portent sur des tumeurs solides. Effectivement, les applications principales que l'on retrouve aujourd'hui, ce sont des cancers colorectaux, des cancers du poumon. Il n'y a pas que des cancers, il y a également beaucoup de nanotechnologies qui sont développées pour des maladies rares, donc pour la délivrance de gènes, d'acides nucléiques. Donc on n'est pas seulement au niveau des tumeurs, on est également sur d'autres types de pathologies. Aujourd'hui, l'inflammation est devenu, finalement, on se rend compte que les mécanismes peut-être mis en jeu ne sont pas si éloignés et que les nanoparticules pourraient avoir un effet également et s'accumuler préférentiellement dans des zones inflammatoires. On a parlé récemment de l'inflammation comme étant il y a des pistes de recherche autour des mécanismes inflammatoires qui pourraient être le point commun d'un certain nombre de pathologies et de pathologies très graves ou chroniques ou très handicapantes. Et jusqu'à aller à l'immunisation, vous parliez de renforcer le système immunitaire ou du non-soi tout à l'heure, effectivement on peut renverser cette idée-là en disant on pourrait même éduquer certains types cellulaires et les polariser. Aujourd'hui, si vous avez parlé de l'inflammation, vous avez peut-être parlé des macrophages qui sont pro ou anti-inflammatoires. Et finalement, l'interaction de ces macrophages avec les nanoparticules, on s'aperçoit dans certaines données récentes de la littérature que ça pourrait changer cette polarisation et peut-être avoir un effet bénéfique sur le système immunitaire. Les faire passer de l'un à l'autre. Nathalie Minier vient de dire quelque chose d'intéressant aussi. Évidemment, j'allais y venir. On parle d'édition génétique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un pan de la recherche où on se dit, avec par ailleurs les instruments nouveaux dont on a également beaucoup parlé ici, à savoir les ciseaux génétiques CRISPR, est-ce que les nanoparticules peuvent permettre d'aller faire de la thérapie génétique hyper ciblée dans un certain nombre de cellules, Patrick? Alors oui, il y a énormément de publications pour le moment qui sortent sur CRISPR précisément. Il faut savoir qu'il y a quand même déjà depuis longtemps, on peut le dire, on a essayé à la fois d'encapsuler soit des gènes, pour corriger des maladies où il y a un gène qui est manquant et donc faire rentrer ce gène dans la cellule et faire de la thérapie génique. Bon, on peut pas dire que, ça fait quand même un petit temps qu'on fasse cela, on peut pas dire qu'il y a, il y a certainement des réussites scientifiques, mais en termes de mise sur le marché, d'AMM, d'essais cliniques, on peut pas voir, on peut pas dire qu'on voit le bout du tunnel, et c'est certainement dans ce domaine-là, les vecteurs viraux, ont été plus vite au niveau de la clinique que les vecteurs non viraux, même si les vecteurs non viraux, théoriquement, ont des avantages, par exemple, d'un point de vue toxicologique, éviter la recombinaison d'oncogènes, etc., etc. Oui, parce qu'il faut préciser en deux mots simplement que souvent on utilise effectivement des vecteurs viraux, c'est-à-dire on utilise des enveloppes et des capsules virales pour aller délivrer, on se sert des mécanismes du virus pour aller délivrer des bouts de gènes ou des bouts d'ADN à l'intérieur de la cellule. Et il faut bien reconnaître que dans ce domaine-là, le virus, il s'est entraîné pendant des millions et des millions d'années, et il est quand même beaucoup plus efficace pour intégrer le gène à l'intérieur du génome cellulaire, au niveau du noyau cellulaire, que des nanotechnologies qui sont développées, vous l'avez dit, depuis quelques décennies. Donc là, on est moins bon que les virus pour le moment. on est moins bon que les virus, mais effectivement, la découverte de fragments d'ARN, d'ARN messager, qui finalement sont extrêmement intéressants comme cibles dans la cellule, font que aujourd'hui, on développe des vecteurs non viraux pour délivrer ces agents-là, ce qui signifie que les vecteurs ont besoin d'atteindre leur cible dans le cytoplasme. La thérapie génique non virale portait sur la délivrance de gènes jusque dans le noyau. Et en fait, cette barrière-là, ce franchissement de barrière, faisait perdre un rendement très très élevé. Donc il y a un espoir, effectivement, avec ces nouvelles molécules biologiques. Alors justement, vous me tendez une nouvelle fois une perche magnifique, puisque vous parlez de franchissement de barrière. Et effectivement, on parle de franchissement de barrière, on parle de pénétration du cytoplasme, on peut parler aussi de la pénétration de la barrière hémato-encéphalique, dont on sait qu'elle est extrêmement résistante pour protéger le cerveau. Simplement, on a aussi beaucoup parlé de ça ici. Et c'est l'une des inquiétudes, Patrick Couvreur et Nathalie Minier, c'est l'une des inquiétudes de ces nanomédicaments, c'est qu'une fois qu'ils sont dans le sang, eh bien, ils peuvent rentrer, passer à peu près partout, franchir à peu près toutes les barrières, donc se pose la question, une, de leur dégradation, ou deux, simplement, de leur maintien dans des endroits du corps, de l'organisme, qui sont des endroits naturellement protégés, l'ADN, le cerveau, et où là, pour le coup, il pourrait y avoir des molécules, des éléments qui passent et qui se promènent. Oui, alors, il faut savoir que quand on fait des nanotechnologies, je dirais de première génération, la barrière hémato-encéphalique, elle est quand même extrêmement imperméable, et il n'y a pas de passage de nanoparticules au niveau du cerveau. Je vais même vous dire que j'ai fait partie de ceux-là qu'on s'est escrimé pendant longtemps à développer des nanoparticules avec en surface des ligands qui puissent reconnaître des récepteurs au niveau de la barrière hémato-encéphalique pour délivrer des médicaments au niveau du cerveau. Et j'ai participé notamment à un gros consortium européen qui s'appelle NAD, pour Nanotechnology for Alzheimer's Disease. Mm-hmm. Et donc, on a essayé de développer des nanoparticules qui passent au niveau du cerveau. C'est pas facile, hein. Et on constate, il y a des effets, il y a des publications qui montrent bien qu'il y a un tout petit pourcentage qui passe, que parfois, notamment dans le domaine de la douleur, ça peut être efficace, mais c'est quand même très difficile de traverser la barrière hémato-encéphalique si elle n'est pas détruite par la pathologie. C'est-à-dire, quand vous avez un cancer, un gliome par exemple, eh bien là, précisément, la barrière hémato-encéphalique est rompue et effectivement, les nanotechnologies vont pouvoir diffuser. Mais sur une barrière saine, la diffusion est extrêmement limitée, compliquée. Ceci dit, on peut avoir des effets centraux, c'est-à-dire traiter des pathologies cérébrales, et on a publié récemment un papier dans ce domaine-là dans la revue Nature Nanotechnology, en jouant sur des récepteurs périphériques. Parce qu'il faut savoir qu'en jouant sur des récepteurs périphériques, vous pouvez avoir un effet central sans passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, dire que les nanotechnologies passent comme ça la barrière hémato-encéphalique, il faut rassurer quand même les auditeurs, ça n'est pas le cas. Une des raisons en est d'ailleurs que vous savez quelle est la nourriture dans laquelle vous avez le plus de nanotechnologies, c'est le lait. Quand vous buvez même un demi-litre de lait, vous n'avez pas de passage des nanoparticules de caséine à travers la barrière hémato-encéphalique. En revanche, vous avez quelques problèmes de digestion. Un demi-litre, c'est déjà beaucoup. Ouais, ça, c'est autre chose. Nathalie Minier. Non, un mot tout de même sur... Il faut les adresser, ces craintes. Il faut les adresser, ces craintes qu'on entend autour de ces nanoparticules. On parle aussi de considérations éthiques sur la balance bénéfice-risque. Patrick Couvreur en parlait tout à l'heure. Mais sur le consentement éclairé, peut-on avoir vraiment un consentement éclairé quand on n'est pas également, quand tous les risques sanitaires ne sont pas totalement connus ou totalement maîtrisés par les équipes de recherche, qu'est-ce qu'il faut répondre à ces interrogations-là? Alors, nous dépendons exactement de l'Agence du médicament pour tout ce qui est passage sur le marché. Rien ne peut arriver jusqu'au patient sans passer entre les mains d'experts qui vont analyser l'ensemble des données de toxicologie qu'on va leur donner. Et il n'est absolument pas possible de choisir au hasard un médicament qui aurait un risque pour le patient. Donc là, enfin, il faudrait vraiment que ce soit une avancée majeure, et même on ne prendra pas ce risque-là. Donc vous dites aujourd'hui, ce que vous dites, David Minier, c'est que le principe de précaution, les barrières sont là et qu'il n'y a pas d'inquiétude. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Parce que médicament, il y a toujours un risque d'effet secondaire. Et par conséquent, ça il faut le savoir, parce que il faut savoir qu'un médicament, encore une fois, je répète, c'est un équilibre bénéfice-risque, mais le risque existe. Vous prenez de l'aspirine, vous pouvez avoir une toxicité gastro-intestinale relativement importante. Avec les nanomédicaments, c'est la même. Sauf que là, on a une autre échelle. Ce sont des effets toxiques. Bien sûr, mais on est à une autre échelle. Ce sont les effets secondaires. Les effets secondaires. Bien entendu, mais quand j'entends les effets secondaires des nanotechnologies, ce sont évidemment des effets secondaires au même titre que n'importe quel type de médicament, si ce n'est que là, on se situe à une autre échelle et qu'on introduit une nouvelle forme de technologie de délivrance du médicament. Donc on est face à des molécules qui ne sont pas contenues naturellement dans le corps humain, enfin je ne sais pas. Oui, mais l'aspirine n'est pas contenue naturellement dans le corps humain non plus. Vous voyez, le problème est exactement le même. Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de bien maîtriser le risque d'un point de vue scientifique. Par exemple, vous avez vos nanoparticules vont dans le foie. Il faut faire une investigation au niveau de la fonction hépatique et être sûr qu'on n'a pas une toxicité. Il faut focaliser sur la fonction hépatique et être sûr qu'on n'a pas une toxicité hépatique, un effet secondaire hépatique. Mais tout ça va se faire dans le même esprit que pour n'importe quel médicament qui sera mis sur le marché. Nathalie Minier, un mot de conclusion ? Oui, effectivement, je pense que sur cette partie-là et sur tous les autres aspects, la formation est extrêmement importante et que nous avons besoin d'experts dans tous les domaines pour adresser l'ensemble de ces problématiques. Je tiens à dire qu'en France, nous avons des formations très performantes en nanomédecine, que ce soit des masters français ou européens entre les universités de Châtenay, de Paris, Descartes, d'Angers, donc ils sont des universités clés dans le domaine des nanomédecines. Je tiens à dire également que dans le cadre de la Société française de nanomédecine, nous essayons d'échanger sur ces problématiques, à la fois entre chercheurs académiques, industriels et médecins. Et à 16h52, comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main ou de jeunes scientifiques. Le futur de la recherche française vient autour de la table de la méthode scientifique pour nous parler de l'état d'avancement de leurs travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Moreau. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse INRIA Sophia Antipolis. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci pour me recevoir ici. Bienvenue. Comme cela a été dit, une des idées prometteuses de la nanomédecine, c'est de cibler la délivrance d'un médicament à un endroit précis du corps. Puisqu'en étant capable de venir déposer le médicament à l'endroit où se trouve par exemple une tumeur cancéreuse, on limite la quantité de médicaments à utiliser, on réduit les effets secondaires potentiels et on augmente l'efficacité du traitement. C'est notamment pour cette raison qu'on voudrait construire et faire nager des robots microscopiques, suffisamment petits pour se déplacer par exemple dans les vaisseaux sanguins de notre corps. Mais quand on est plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, c'est difficile de nager. À cette échelle, un fluide comme l'eau apparaît comme extrêmement visqueux. Un peu comme si vous deviez nager dans une piscine remplie de miel, et qu'en plus, vous n'avez pas le droit de bouger à plus d'un centimètre par seconde. Une idée pour aider nos micro-nageurs à se déplacer, c'est de les guider en les munissant de minuscules aimants qu'on fait bouger à distance à l'aide d'un champ magnétique produit avec d'autres aimants. Avec mon équipe projet à l'INRIA, on étudie certains aspects mathématiques liés à de tels robots micro-nageurs. Celui auquel je m'intéresse est constitué de plusieurs segments rigides et magnétisés, reliés les uns aux autres, ce qui donne une sorte de petit serpent qui peut se déformer sous l'action d'un champ magnétique. La première étape, plutôt du côté de la physique, c'est d'établir un modèle de ce genre de robot, c'est-à-dire d'écrire des équations qui régissent son mouvement, et qui tiennent compte à la fois de l'interaction entre le nageur et le fluide qui l'entoure, de son élasticité, c'est-à-dire sa capacité à se déformer, et de l'action exercée par le champ magnétique. Puis, il s'agit de résoudre ces équations, et c'est en un mot le sujet de ma thèse. Un peu plus précisément, je cherche à savoir si notre robot est ou non contrôlable. Étant donné un point A et un point B, est-il possible de trouver un champ magnétique qui le déforme de telle sorte qu'il se déplace de A vers B, et ce pour tous les points d'une zone ? On peut corser le problème en ajoutant des contraintes, par exemple en supposant que le champ magnétique ne peut pas être trop fort. Pour récapituler, j'étudie des équations qui décrivent des micro-robots nageurs magnétiques dans le but de trouver des résultats de contrôlabilité. En fait, j'ai même déjà trouvé que le modèle de micro-nageur auquel je m'intéresse n'est pas complètement contrôlable. Autrement dit, en partant de sa position d'équilibre, on ne peut pas le faire bouger dans n'importe quelle direction, sauf à utiliser des champs magnétiques très puissants ou à attendre un temps déraisonnablement long. C'est un résultat négatif, mais c'est intéressant. La question est maintenant de savoir pourquoi ce nageur n'est pas aussi contrôlable qu'on le voudrait et comment on pourrait l'améliorer pour pouvoir le déplacer plus efficacement. C'est aussi très intéressant du point de vue de la théorie mathématique du contrôle. Comme souvent en maths, maintenant qu'on a trouvé un résultat, on cherche à le généraliser pour l'appliquer à plein d'autres systèmes. Si le robot micro-nageur n'est pas contrôlable, peut-être qu'un autre robot ou un autre système tout à fait différent, mais aux caractéristiques mathématiques similaires, ne le sera pas non plus. En partant de l'étude de ces micro-nageurs magnétiques, je cherche donc à démontrer de nouveaux résultats plus généraux de contrôlabilité des systèmes. Cette démarche est typique des mathématiques appliquées. On part d'un problème concret venu d'un autre domaine de la recherche, comme la biologie ou de la vie quotidienne. On s'attelle à le résoudre à l'aide d'outils mathématiques et on prend de la hauteur pour en déduire un ou deux théorèmes. Merci. Merci beaucoup Clément Moreau. Une petite réaction à ce que vous venez d'entendre. C'est effectivement ces travaux de mathématiques appliquées qui vont permettre de faire avancer Nathalie Mignet la recherche en nanotechnologie, en nanomédecine. Oui, c'est là que effectivement l'intérêt de faire rejoindre des expertises différentes, la physique, les mathématiques et la pharmacie notamment, où tout de suite le pharmacien va se demander, oui mais attention, ces robots sont-ils dégradables ? Non. Moi, j'ai une question, c'est très intéressant ce que vous faites, j'ai une question concrète. Vous dites que ces robots, ils sont en train de nager comme dans du miel, que c'est extrêmement visqueux. Je comprends bien. Dans la circulation générale, vous avez le flux sanguin. Donc, il y a un déplacement qui se fait déjà de manière extrêmement naturelle. Alors, dans vos modèles mathématiques que vous développez, est-ce que vous tenez compte de ce flux sanguin qui va changer évidemment beaucoup de choses ? Clément Moreau. Alors, dans le modèle que j'étudie, parce que je suis en première année de thèse, donc seulement au début, oui. Pour l'instant, on n'a pas pris en compte ce genre de flow. Mais ça fait partie des termes qui peuvent être ajoutés dans les équations. Et évidemment, l'avantage d'un système d'équations, c'est qu'on peut toujours ajouter des termes qui modélisent d'autres effets. Par exemple, dans un vaisseau sanguin, il y a aussi les parois du vaisseau sanguin qui vont beaucoup influer sur le mouvement des particules qui se déplacent dedans. Et puis la présence des globules rouges et des globules blancs et des évidemment, plaquettes. Évidemment, les interactions entre plusieurs micro-nageurs. Donc tout ça, c'est des choses qui sont étudiées par d'autres doctorants et d'autres chercheurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Clément Moreau. Merci Patrick Couvreur. Merci Nathalie Mignet. Vous pouvez retrouver la recherche Montre en main, toutes les émissions passées, présentes et pas encore futures. Mais on travaille sur le voyage dans le temps. C'est sur le site de franceculture.fr, sur la page de la méthode scientifique. Merci à l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Sarah Hijement, Sève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, le troisième LSD de la semaine, la série documentaire consacrée au Grand Paris tout au long de la semaine par Nicolas Jox et Manouchak Fachaï. Aujourd'hui, le Grand Paris Express métro du futur, vous voyez, on en parlait. Tout à l'heure, à 18h20, après le journal de 18h, ce sera l'heure du grain à moudre avec Hervé Gardette qui se demandera si les humanitaires abusent de leur pouvoir. Et pour ce qui nous concerne, demain, nous avons la chance de recevoir pour la première fois et pour sa première grande sortie dans l'audiovisuel depuis sa nomination, le nouveau patron, le nouveau président du CNRS, Antoine Petit, avec qui on va parler de politique, de la recherche et de son programme pour le CNRS. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.